إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons inshallah sur les points concernant le fiqh, la jurisprudence. Et nous avons déjà commencé adab al-khala, les comportements à avoir quand on fait nos besoins, quand on va aux toilettes. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Donc le premier point dans les comportements à avoir quand on fait nos besoins, il est préférable pour celui qui entre aux toilettes de dire « Oh Allah, je demande ta protection contre les diables mâles et femelles ». La preuve est le hadith de Ali رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le voile entre les djinns et les parties intimes des fils d'Adam est lorsque l'un d'entre eux entre aux toilettes de dire bismillah. Lorsqu'il dit bismillah, il y a un voile qui se met entre les djinns et le fils d'Adam. Comme ça, il ne peut pas voir les parties, les djinns ne peuvent pas voir les parties donc intimes. Rapporté par Ibn Majah et Tirmidhi, et c'est authentique. Et aussi de dire, rechercher la protection. Oh Allah, je demande ta protection. On dit Bismillah, et ensuite, au nom d'Allah, et ensuite on recherche la protection contre les diables mâles et femelles. D'accord ? Oh Allah, je demande ta protection contre les diables mâles et femelles. Deuxième point, wa yustahabbu idha kharaja. Donc là, c'était lorsqu'il rentre. Maintenant, lorsqu'il sort, qu'est-ce qu'il doit dire ? ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. Donc maintenant lorsqu'il sort, alaykoum salam Abdullah, lorsqu'il sort, il se doit, donc il est préférable de dire lorsqu'on sort des toilettes de dire غفرانك, oh Allah j'implore ton pardon. C'est ça que ça veut dire. Le troisième point, ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وذلك لكون التيمن فيما هو شريف والتيسر فيما هو غير شريف وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. D'accord, et ça c'est le kalam hada min l'imam al-Shawkani rahimahullah. Donc il est préférable d'entrer lorsqu'on rentre dans les toilettes, et bien on rentre avec le pied gauche. D'accord ? Et de sortir avec le pied droit, c'est-à-dire on laisse le pied gauche dans les toilettes et on sort tout d'abord avec le pied droit. D'accord ? Et cela est utilisé, on utilise le droit pour ce qui est respectable, d'accord ? Et le gauche pour ce qui ne l'est pas, comme les toilettes, comme, d'accord ? Donc on rentre comme dans la mosquée, on rentre avec le pied droit, d'accord ? Et on sort avec le pied gauche de la mosquée. Dans les toilettes, c'est l'inverse. On rentre avec le pied gauche et on sort avec le pied droit. Donc il a été rapporté des hadiths à ce sujet dans leur globalité qui prouvent cela, qu'on utilise donc le pied droit pour ce qui est respectable et le pied gauche dans les choses, tout ce qui est répugnant. D'accord ? C'est la parole de l'imam Shawkani rahimahullah dans un de ses livres. Le quatrième point, wa idha kana fil fada istuhibba lahu al-ib'ad hatta la yura. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. Donc le quatrième point parmi les comportements à avoir lorsqu'on fait son besoin, c'est qu'il est préférable pour celui qui est à l'extérieur cette fois-ci, il n'est pas chez lui, ou dans un terrain vague, de s'éloigner hein, jusqu'à ce que on ne le voit pas, jusqu'à ce que personne ne le voit. S'éloigner, d'accord, jusqu'à ce qu'il soit yani, à perte de vue. La preuve est le hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit « Nous étions sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait ses besoins qu'à partir du moment où il était caché et que personne ne le voyait. Donc on va se rappeler de ce hadith-là parce qu'on en aura besoin pour comprendre un autre hadith qui va venir par la suite, inshallah. D'accord ? Donc tous les hadiths que je disais, ils sont tous authentiques. Hein. Donc hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Donc il faut qu'on s'éloigne le plus pour pas qu'on se yani qu'on ait vu. Cinquième point. ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Donc il est préférable, en cinquième point, de lever ses vêtements qu'au moment où la personne s'approche du sol. Lorsqu'elle s'approche vers le sol, c'est là où est-ce que elle peut enlever ses vêtements. Lorsqu'elle s'assit pour faire ses besoins. Et non, elle ne le fait pas sans aucune nécessité. D'accord ? Donc la preuve est dans le hadith d'Ibn Omar, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire ses besoins, il ne levait ses vêtements que lorsqu'il s'approchait du sol. Ça, c'est pour le cinquième point. Le sixième point, « وَلَا يَجُوزُ استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان كسوا في الصحراء ولا في البنيان دكتور عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى فننحرف en s'inclinant. Donc le sixième point, c'est qu'il est interdit lorsqu'on fait ses besoins de faire face à la qibla ou de tourner le dos à la qibla lorsqu'on fait ses besoins. Il est interdit de faire face à la qibla ou de tourner le dos à la qibla. D'accord ? Et ceci, que ce soit dans le désert ou que ce soit dans les bâtiments, d'accord, c'est-à-dire dans les maisons, dans les buildings ou dans les, ou bien même si on est dans le désert, eh bien il est interdit soit de faire face ou soit de donner le dos à la qibla, d'accord. La preuve est dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari qui rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la qibla et ne lui tournez pas le dos non plus, d'accord. Dirigez-vous à l'est ou à l'ouest. Et là, on avait déjà dit la semaine dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, s'adressait à ses compagnons. Hein? Il s'adressait à ses compagnons. Et lui, il était à Médine. Et la Qibla, pour ceux qui sont à Médine, c'est le sud. C'est pour ça qu'il avait dit soit vous faites à l'est, soit vous faites à l'ouest. D'accord ? Parce que la Qibla, elle est comme ça, donc soit il fait à l'est, soit à l'ouest. Tandis qu'on avait dit ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Algérie ou en Tunisie, la qibla se trouve à l'est. Donc comment ils vont appliquer ce hadith-là? Ils ne vont pas charriqo ou gharibo ici, ils ne vont pas suivre ce qui est écrit là, parce que le prophète sallam s'adressait à ses compagnons qui étaient à Médine. Donc lui, eh ben, il doit être en perpendiculaire par rapport à la qibla. Ça veut dire comme la qibla est à l'est, eh bien, il fait ses besoins soit du côté nord, soit du côté sud. D'accord? Il y a des mots qui sont là aujourd'hui. Et bien, donc là, comme on est, la qibla, elle est au sud-est, d'accord ? Et bien, on se met en perpendiculaire. C'est-à-dire, quand on est chez soi, comment on peut savoir qu'on est en face ou on est... Alaykoum salam wa rahmatullah. On est devant ou derrière ? Et bien, chez soi, on sait elle est où, la qibla. Si on a une boussole, on sait... Les parlures, quand même, c'est fixe. Voilà, ben justement, j'en arrive à... c'est pour ça que ça, c'est un bon point. Parce que justement... Yani le sahabi Abu Ayyub al-Ansari, il disait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes partis au Shem. Yani, le Shem, c'est la région Palestine, Syrie, Jordanie. D'accord? Il a dit, nous sommes partis au Shem et nous avons trouvé les toilettes qui étaient construites en direction de la Qibla. Donc déjà, c'était déjà construite, mais c'est en direction de la Qibla. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il avait fait ? En direction de la Kaaba. Il a dit, donc nous nous dévions de la trajectoire de la Qibla et demandions à Allah le pardon. Si par exemple, admettons, les toilettes elles sont comme ça. D'accord ? Et la Qibla elle est là. Donc qu'est-ce qu'il faisait en fait ? Il s'inclinait. Il s'inclinait. C'est-à-dire, il ne s'asseyait pas complètement comme ça. Non, il s'inclinait comme ça. Et lorsqu'il avait terminé, il sortait. Il demandait à Allah Azza wa Jal le pardon. Et les ulama ont expliqué. Qu'est-ce que ça voulait dire lorsque il disait qu'on demandait à Allah Azza wa Jal le pardon ? Selon l'avis le plus correct des savants, Inch'Allah, c'est que la parole d'Abi Ayyoub l'Ansari, lorsqu'il disait « Nous demandions à Allah le pardon », c'est « Nous demandions à Allah de nous pardonner, de nous trouver dans cette situation-là. » Le fait que on fait ça, et puis et à la Qibla, alors c'est pour ça qu'on s'incline. Il essaie de, hein, d'appliquer « Fattakullah amastata'atum, craignez Allah le plus que vous pouvez. » Donc il s'inclinait un peu, sachant qu'il savait que la Qibla était là. Donc il s'inclinait, et puis lorsqu'il sortait, il demandait à Allah Azza wa Jal le pardon. Donc lorsqu'on sait que vraiment elle est construite en direction de la Qibla, eh bien on s'incline un peu et puis on demande à Allah Azza wa Jal qui nous pardonne, Inch'Allah. Septième point. Oui, c'est le septième point. وَيَحْرُمُ التَّخَلِّ فِي الطَّرِيقِ النَّاسِ وَفِي ذِلِّهِمْ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قال وما اللاعنين يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ذلهم. Il est interdit, dans le septième point, il est interdit de faire ses besoins sur le chemin des gens, on sait que les gens passent par là, ou dans les endroits où est-ce qu'on sait que les gens se reposent. D'accord ? Là où il y a une ombre. On sait que par exemple, lorsqu'il fait chaud et tout ça, et il y a une ombre là, les gens utilisent cet endroit-là pour se reposer. D'accord ? Il est donc interdit de faire ses besoins dans ces endroits-là. Parce qu'on sait que c'est un endroit où est-ce qu'on sait que les gens se reposent lorsqu'ils vont là-bas. Donc on ne peut pas se permettre de faire les besoins dans ces endroits-là. Et on ne peut pas non plus faire les besoins où est-ce que là où les gens circulent, marchent. D'accord ? Donc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Préservez-vous » dans le hadith qui est sahih, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud, rahimahumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Préservez-vous des deux choses qui apportent la malédiction d'Allah. » Préservez-vous des deux choses qui apportent la malédiction d'Allah. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit « Quelles sont ces deux choses ô envoyé d'Allah ?» Il répondit « C'est celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens et sur l'endroit où il y a une ombre que les gens utilisent pour se reposer. Ce sont les deux endroits. Si un individu le fait délibérément de ces endroits-là, il reçoit la malédiction d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimullah, a apporté une faïda ici en disant « Aw fi dhillihim wa kadhalika al-makan al-mushammas fi waqt al-bard » C'est-à-dire, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans l'endroit où est-ce qu'il y a de l'ombre, dans le cas où est-ce qu'il y a du soleil, donc les gens ils vont se rafraîchir à l'ombre dans cet endroit-là. » Mais le savant Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah avait dit « Et dans le cas où est-ce que c'est en période de froid et d'hiver, donc les gens qui s'y vont rechercher, les endroits où est-ce qu'il y a du soleil. Donc s'il y a un endroit qui est ensoleillé, d'accord, et que les gens rechercheraient cet endroit-là pour se réchauffer et se reposer, il est aussi strictement interdit de le faire dans ces endroits-là. Donc ça, en fait, ça touche tous les endroits où est-ce que les gens sont susceptibles de se reposer. Et bien sûr, tous les endroits où est-ce que les gens marchent et circulent. D'accord ? Le huitième point. وَيُكْرَهْ أَنْ يَبُولْ فِي مُسْتَحَمِّهْ عَنْ حُمَيْدِ الْحُمَيْرِ قَالَ لقيت رجلا سحب النبي صلى الله عليه وسلم كما سحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. Donc le huitième point, c'est qu'il est détestable d'uriner dans l'endroit où on se lave. D'accord ? Il est détestable d'uriner dans l'endroit où on se lave. Donc on avait expliqué sur les termes qu'on utilise. Si on dit il est interdit, là c'est différent de dire il est détestable. D'accord ? Il est interdit, ça veut dire que si la personne le fait, pêche. Il est détestable, c'est déconseillé de le faire. D'accord ? Mais si elle le fait, ce n'est pas pour dire pour autant qu'elle va recevoir le péché. C'est comme on dit par exemple, c'est obligatoire et c'est préférable, c'est différent. Si on dit c'est obligatoire, donc si la personne le délaisse, elle pêche. Mais si on dit c'est préférable, elle le fait, elle est récompensée, elle délaisse, elle ne pêche pas. D'accord ? Donc c'est pour ça. Donc il est détestable d'uriner dans l'endroit où l'on se lave. La preuve, c'est le hadith de Humayd al-Humayr qui dit « J'ai rencontré un homme qui a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a côtoyé Abu Huraira et a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se peigner tous les jours et d'uriner dans l'endroit où l'on se lave. » D'accord ? Murtasalihi, les savants ont dit que c'est l'endroit où l'on se lave. Et concernant la première partie dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se peigner tous les jours, il y a un autre hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, qui dit Naha an at-tarajjuli. At-tarajjuli, c'est le fait de se peigner. Parce que vous lirez dans les, c'est souvent dans les livres de fiqh, at-tarajjuli, c'est le fait de se peigner. Naha an at-tarajjuli illa ribba. Qu'il a interdit à l'homme de se peigner, illa ribba. Les savants disent que illa ribba signifie un jour il se peigne, un jour il ne se peigne pas. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de se peigner. Illa ribba, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, excepté que, un jour il se peigne, un autre jour il ne se peigne pas. Un jour il se peigne, un autre jour il ne se peigne pas. D'accord ? C'est pour expliquer le premier hadith. Le neuvième point. ويحرم. Donc là on dit ويحرم, ça veut dire que là c'est interdit, c'est illicite. D'accord. ويحرم البول في الماء الراكد. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. Il est interdit d'uriner. Il est interdit d'uriner dans une eau stagnante. Une eau stagnante. Il est interdit d'uriner dans une eau stagnante. La preuve est le hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykoum salam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on urine dans une eau stagnante. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Muslim. Nous sommes arrivés au dixième point. وَيَجُوزُ الْبَوْلُ قَائِمًا وَالْقُعُودُ أَفْضَلُ. Il est permis, il est autorisé, dans le dixième point, il est autorisé d'uriner debout, mais de s'asseoir est préférable et mieux. Et on va voir pourquoi, inshallah. An Hudhayfa, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, antaha ila subatatin qawmin, yani al-subatati ay al-masbala, d'accord ? Masbalat qawmin, yani. An Hudhayfa, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, antaha ila subatati qawmin, fabala qaiman, فتنحيتو donc c'est je me suis éloigné, écarté. فتنحيتو فقال ادنوه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضى ومسح على خفيه. Donc pour cette première partie là, dans ce dixième point là, il est autorisé d'uriner debout, mais de s'asseoir est préférable et mieux. La preuve est le hadith de Hudhayfa رضي الله عنه. Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi connu comme, vous savez l'autre appellation, Sahib al-Sirr, celui qui détenait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la liste des hypocrites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné. D'accord ? Et donc la preuve est le hadith de Hudhayfa radhiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un endroit, wa alaykoum salam wa rahmatullah, est arrivé à un endroit où les gens jetaient leurs déchets. Puis il a uriné debout. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hudhayfa رضي الله عنه a dit فتنحيت أي تبعت يعني فتنحيت أي تبعت, ça veut dire que je me suis éloigné. Lorsque le prophète, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dos bien sûr, qu'il urinait debout, donc il a dit je me suis éloigné. Il s'est éloigné pour ne pas le gêner. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, approche-toi. Le but que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à Hudhayfa de s'approcher, donc Hudhayfa, il s'approchait à reculons. Il dit, je me suis approché de lui jusqu'à atteindre ses talons. D'accord ? Jusqu'à que les talons de Hudhayfa touchent les talons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but dans cela, c'était pour, comme ça, il était Hudhayfa, il était comme ça de face, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de dos, qui urinait, et donc ça masquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ne le voient pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et a essuyé sur ses khufayn. Les khufayn, ce sont des yannissés en cuir, vous voyez, on les trouve, ça dépasse la cheville. Donc on les met, on peut les mettre comme ça dépasse la cheville. Et donc il est autorisé de faire le mesh dessus, à une condition que l'individu... Le mesh, c'est quoi? C'est le fait de s'essuyer. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les ablutions, on prend un peu d'eau comme ça, et avec les deux mains, on fait comme ça. D'accord? Ça, c'est le mesh. Et c'est de cette façon-là qu'il se fait. On ne se fait pas en dessous, d'accord? Il se fait de cette façon-là. Cependant, il faut préalablement que... Le musulman, il ait fait ses ablutions totales. D'accord ? Il a lavé ses pieds, normalement. Et ensuite, lorsqu'il a mis les khouf ou bien les chaussettes qui dépassent la cheville et qui sont assez épaisses, il ne faut pas que ce soit des fines où est-ce qu'on peut voir la chair. D'accord ? Parce que le hadith est aussi authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a autorisé le fait de s'essuyer sur les khoufayn, ou les na'alayn, sur les sandales, ou les jawrabayn, c'est tout ce qui est en coton. D'accord ? Mais il faut que donc ça dépasse la cheville et il ne faut pas que la peau du corps apparaisse. D'accord ? Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit fin. Et donc il est permis de faire le mesh, s'essuyer dessus. Mais il faut donc préalablement avoir fait les ablutions totales. Et ensuite on les met en état d'ablution. Et si l'individu perd ses ablutions, eh bien, lorsqu'il refera ses ablutions, il n'a pas besoin d'enlever ses chaussettes ou il peut prendre juste un peu d'eau comme ça dans ses mains. D'accord ? Et ensuite... Une fois qu'il a pris, il fait passe comme ça. D'accord ? Bien dessus. D'accord ? Donc, si on a fait les ablutions le matin, ouais, et qu'on n'a pas la possibilité de refaire l'honneur, par exemple, à la prière de l'Asr ou du Maghrib, ouais, de la journée, ouais, on peut faire cette méthode-là. On est obligé de refaire l'honneur complet. C'est-à-dire, on envoie les chaussettes. C'est-à-dire que si dès le matin, d'accord ? Ça c'est permis, comme on le verra dans les hadiths qui vont suivre, ça c'est permis pour celui qui n'est pas en voyage, c'est permis de tenir avec cela un jour et une nuit, d'accord ? Pendant une durée d'un jour. Il peut rester avec ses chaussettes, par exemple, toute la journée, dès le matin, très tôt. Il s'est lavé, il a fait ses ablutions, et il a mis des chaussettes qui ne sont pas fines, d'accord ? Mais qui dépassent les... cheville, on ne parle pas des soquettes qui sont en dessous, hein. On parle bien des chaussettes qui dépassent les chevilles, c'est qui montent bien assez haut, dont la peau n'apparaît pas, d'accord ? Il les a mis en état d'ablution. Durant la journée, il a perdu ses ablutions. Arrive l'heure du dhuhr, d'accord ? Admettons, il est au travail. Donc là, il n'a pas besoin d'enlever ses chaussettes pour laver ses pieds, d'accord ? Il fait ses ablutions normales, arrivé aux pieds, il fait comme... On fait le mess, c'est-à-dire qu'il prend un peu d'eau comme ça. C'est pas on prend de l'eau et puis on balance comme ça. Il mouille ses mains et puis il les met en même temps, comme ça, sur le dessus, d'accord ? Et c'est bon, les ablutions, elles sont faites. C'est clair, Inch'Allah ? Il faut pas les enlever entre deux mains. Donc si c'est enlevé et la personne a perdu ses ablutions, eh bien, voilà comme ça, Inch'Allah, il se doit de refaire les ablutions totalement. D'accord ? Si c'est enlevé... Il perd ses ablutions, eh bien, il se doit de refaire les ablutions totalement, c'est-à-dire avec les pieds dans leur totalité, d'accord ? Donc, Ibn Hajar, rahimahullah, a mentionné dans Fath al-Bari, d'accord, qu'il y a ici dans ce hadith-là un fait inhabituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous souvenez, je vous avais dit de mettre de côté le hadith qu'on avait vu. Où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? Donc, mentionné que lorsqu'on est dans un désert, il faut s'éloigner pour qu'on soit à perte de vue, que personne ne nous voit. Cependant, là, dans ce hadith-là, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas à perte de vue là. D'accord ? Alaykoum salam wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas à perte de vue dans ce hadith là. Il a trouvé une déchetterie là, des déchets. Les ulémas en ont déduit qu'il y avait des habitations pas loin. D'accord ? Mais là, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Parce qu'il disait donc, ça c'est l'imam Ibn Hajar rahimahullah qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sûrement occupé dans des affaires, dans une réunion avec des gens, en train de négocier, alaykoum salam wa rahmatullah, dans une assise, et il a eu des besoins pressants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas trop s'éloigner dû qu'aux besoins qu'il avait. Et donc il a trouvé cet endroit-là, et c'est pour cela qu'il a dit à Hudhayfa de le couvrir. D'accord ? Et comme j'avais expliqué, c'est que Hudhayfa lui faisait dos. Et qu'il allait à reculons jusqu'à que les talons de Hudhayfa touchaient les talons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Comme ça, il est un obstacle aux gens. Donc ça, ce qu'il disait, pourquoi il a mentionné ça, l'imam al-Hajar, al-Asqalani, il a dit, lorsqu'il a mentionné cela, c'est pour dire que ça, c'est un cas exceptionnel. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que t'as pas assez de temps pour t'éloigner, pour que tu sois à perte de vue, si ton besoin il est très très pressant, tu vois ? Donc tu vas vraiment dans un endroit où est-ce que tu essaies le moins possible d'être vu. Et s'il y a quelqu'un qui est avec toi, eh bien, il peut te couvrir. C'est pour cela que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans l'explication de Sahih Muslim, dit, on déduit de ce hadith beaucoup de choses. Il y a tout d'abord la preuve que l'on peut essuyer sur les khuffay. D'accord ? Il y a également la preuve que l'on peut essuyer sur les khuffay même en n'étant pas voyageur. Alaykoum salam wa rahmatullah. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas voyageur. D'accord ? Il y a également la preuve qu'il est autorisé d'uriner debout. Il y a également la preuve qu'il est autorisé à une personne de s'approcher d'une autre personne qui urine afin de le couvrir. D'accord ? Il y a aussi la preuve qu'une autre personne, qu'il est autorisé de la part de celui qui urine de demander à une autre personne de le couvrir afin qu'elle le cache. Donc avec Hudhayfa, exactement. Ouais. L'imam Nawawi rahmallah aussi dit, il y a aussi la preuve qu'il est préférable de se cacher lorsque l'on urine, et qu'il est autorisé d'uriner à proximité des maisons. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné dans une déchetterie, un endroit proche des maisons. D'accord ? Et Allah est le plus savant. Mais là, dans ce cas-là, où est-ce que c'est le cas exceptionnel, où est-ce que la personne, elle a le besoin pressant, et elle essaie de trouver un coin qui est caché. D'accord ? Mais il faut pas oublier les autres hadiths qu'on a vus. Il faut pas que ce soit sur un chemin, et il faut pas que ce soit dans un endroit où est-ce que les gens se reposent. D'accord ? Et là, comme on voit bien dans ce hadith-là, les déchetteries, c'est pas un endroit où est-ce que les gens ils vont pas se reposer dans les déchetteries. D'accord ? D'accord ? Ensuite, donc là, on avait vu que c'était permis d'uriner debout. Seulement, le fait de s'asseoir, c'est mieux. Et on va voir pourquoi. وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا جالسا. Et ça, on avait parlé dans ce hadith qui est aussi sahih. Donc, il était meilleur d'uriner de façon assise, car c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait le plus souvent. C'est ce qu'il faisait le plus souvent. Et on voyait que dans des cas où est-ce que, de nécessité, il était en arrivé à le faire debout. D'accord ? Mais sinon, lorsqu'il n'y a pas vraiment d'urgence ou de nécessité, eh bien, ce qu'il y avait, eh bien, uriner assis, c'est la meilleure des façons, car c'est ce qu'il faisait le plus souvent. Aïcha radiallahu anha a dit, celui qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, ne le croyez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'urinait qu'en étant assis. Hadith authentique rapporté par An-Nisa'i et Tirmidhi. Et on avait mentionné que la parole de Aïcha radiallahu anha ne va pas en contradiction avec le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu. Pourquoi ? C'est pour l'importance d'à chaque fois, vous voyez, revenir au ulama, au savant. Parce que Aïcha radiallahu anha, la majorité de son temps, elle était chez elle n'était pas tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dehors. Donc elle, elle a décrit ce qu'elle voyait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, ce qu'il faisait. D'accord ? Donc elle le voyait tout le temps faire ça. Elle l'a jamais vu uriner debout lorsqu'il est chez lui. Et Hudhayfa, radiallahu anhu, il a informé de ce qu'il a vu. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé de ce qu'il a vu. Et Aïcha, radiallahu anha, qui elle était la majorité du temps chez elle, elle a informé de ce qu'elle voyait. D'accord ? Et il y a une règle dans la jurisprudence fi usul al-fiqh, hein, c'est que celui qui affirme une chose, prévaut sur celui qui la nie. Celui qui affirme une chose prévaut sur celui qui la nie, car celui qui affirme une chose apporte une science de plus. Ça c'est dans usul al-fiqh. Hudhayfa radiyallahu anhu, lorsqu'il a décrit lorsqu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas nié le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait assis chez lui. Il ne l'a pas nié. Il a juste apporté une science de plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit la situation dans laquelle il était. Donc il a informé de ce qu'il a vu. Et Aïcha radiallahu anha, qui était le plus souvent chez elle, savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'urinait qu'assis. D'accord ? Donc Hudhayfa radiallahu anhu a apporté un plus, et en aucun cas il y a une contradiction. Et les deux hadiths sont authentiques. D'accord ? Si vous trouvez des contradictions, c'est que il y a un hadith. Si par exemple vous dites, regardez, et quelqu'un vient et puis vous dites, regardez ces deux hadiths là, ils sont contradictoires. Il n'y a jamais de contradiction entre deux hadiths authentiques. Soit un hadith apporté est faible ou inventé, d'accord ? Ou soit la personne n'a pas compris la science qu'il y a derrière cela, d'accord ? Je le dis parce qu'il y avait une personne qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, les hadiths authentiques peuvent s'opposer. Et il avait donné cet exemple-là. Alors qu'il ne comprenait pas la qaïda qu'il y avait dans Usul Fiqh, le fait qu'elle ait décrivé ce qu'elle voyait chez elle. Elle n'était pas tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dehors et puis dans les meetings et dans les... Hein, alors que Hudhayfa radiallahu anhu, il apportait quelque chose de plus qu'il était avec lui dans les meetings, ça, et il s'est déroulé ceci. D'accord ? Donc il n'y a pas de contradiction. Le 11e point, le 11e point, wayajibu al-istinza min al-bawl. Il est également obligatoire de se protéger de l'urine et des éclaboussements d'urine. On est plus on est plus exposé aux éclaboussures d'urine lorsqu'une personne urine debout. Elle urine quelque part et ça risque de revenir sur ses vêtements. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est préférable d'uriner assis. Et donc là, il est obligatoire de se protéger de cela. D'accord ? فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزح من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. Donc le hadith il est sahih muttafaq alayh, sahih al-Bukhari et Muslim. Donc la preuve est dans le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux tombes, puis a dit, les deux personnes habitant ces deux tombes sont en train d'être châtiées, et ils ne sont pas châtiés pour une chose grande. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine. Et quant à l'autre, il parcourait les gens en faisant de la médisance. Et la médisance, Namima, c'est différent, c'est pas al-riba. D'accord ? Al-riba, c'est le fait de parler sur un frère en son absence. Parler comme salam. Al-riba, c'est de parler. Voilà, ça c'est namima, c'est le fait de faire un conflit entre deux frères. Al-riba, parler en absence d'un frère, que ce soit de la vérité ou que ce soit, si c'est faux, c'est encore pire. Et la médisance, c'est de rapporter donc une parole d'une personne à une autre afin de faire un conflit entre eux, même si la parole rapportée est vraie. Par exemple, un frère va dire que sur un autre frère, celui-là, il est malhonnête. Celui qui était présent avec lui, qui a entendu le frère dire celui-là, il est malhonnête, il va aller voir l'autre frère qui a été accusé de cela, et il va lui dire, un tel a dit que tu étais malhonnête. Donc, pour les mettre en conflit. Et ça, c'est la meilleure façon de les mettre en conflit, subhanallah. C'est que ça, subhanallah, ça fait partie des péchés majeurs, ça. Et ça, c'est très courant, Allah al-Musta'an, très très courant. Maintenant, ils arrivent à mentir sur des gens, sur des frères, pour essayer d'arriver à des buts, à des trucs. Par contre, c'est autorisé de donner sur les bonnes actions, de dire que c'est tel frère qui a fait ça pour peut-être inciter. Oui, pour encourager dans les bonnes actions, pas de problème. Non, il n'y a pas de problème sur ça. Le problème, il est lorsque la personne elle va aller rapporter des trucs ou mentir sur eux. Et ça, le problème, c'est que. C'est que ça fait partie des péchés majeurs. Subhanallah. Et c'est un truc qui vient souvent en plus dans la langue des gens. Vous savez que celui qui fait la Jumu'ah, qui assiste à la khutbah du Jumu'ah, hein? Subhanallah. Entre cette Jumu'ah-là et l'autre Jumu'ah, hein? S'il a assisté sans faire de bruit, d'ailleurs il faudra qu'on mette sa fiche sur ça, il ne faut pas utiliser les portables lorsqu'il y a le khutbah, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire à un tel « tais-toi », il ne faut pas dire « allez, c'est quoi ?» D'accord ? Il faut, celui qui veut le ajr, la récompense, il faut qu'il écoute à la khutbah. Hein ? Il ne faut pas rendre le salam si quelqu'un le dit ou quoi que ce soit, d'accord ? Il assiste. Et s'il a fait ça, eh bien il reçoit la récompense, subhanallah. Entre cette Jumu'ah-là et l'autre Jumu'ah, Allah Azza wa Jal lui pardonne les petits péchés, hein, tant qu'il s'est écarté des kabaïr, tant qu'il s'est écarté des grands péchés. Donc si pendant la semaine il tombe dans l'anémima, il fait de l'anémima, eh bien il corrompt la récompense du vendredi. Qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne entre le Jumu'ah celle-là et celle-là, Allah Azza wa Jal lui pardonne les péchés. Péché mineur. Vous voyez les dangers ? C'est quelque chose de... Le haram, les choses qui sont interdites, c'est facile à tomber dedans, très facile. Ah mais ça, c'est pour ça que c'est pire. Adak alesh, adak tar alesh. Eh, le truc, chouffe. Un namima, c'est quoi? Un namima, c'est quoi? Un namima, c'est lorsque on va rapporter des paroles, hein, que quelqu'un a dit sur un autre pour mettre deux frères en conflit. C'est ça le namima. Le but, c'est de les mettre en conflit. D'accord? Le riba, c'est le fait de parler sur quelqu'un en son absence. D'accord? Et il faut différencier. Parce que ne fait pas partie de l'riba le fait de mettre en garde contre les mubtadi'a, les innovateurs et tout ça. Ça ne fait pas partie de l'riba, ça. D'accord ? Ça fait partie du fait d'être sincère envers la communauté. Mettre en garde la communauté contre les déviances. D'accord ? Donc pourquoi qu'on mélange les trucs ? Mais là, le problème, c'est qu'une personne qui assiste, ce que je disais, à la khutbah du Jumu'ah, et elle veut la récompense. Mais pendant la semaine, elle va faire des kabeir en faisant quoi ? En faisant de la namima, en faisant de la médisance, en mettant deux frères en conflit. Elle ne reçoit pas la récompense. Vous voyez ? Parce qu'il faut qu'elle s'écarte des grands péchés. Voilà, subhanallah. C'est dommage, hein ? Faire des efforts et après les griller en si peu de temps. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Et c'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, « La yatrul jannah qattat aynammam » ne rentrera pas au paradis celui qui pratique la médisance. Donc lorsque, par exemple, il y a des hadiths comme cela, on verra ça plus tard, inchallah, il y a deux types de tahrim, deux types d'interdiction du paradis. Il y a une interdiction qui est amadi et une interdiction qui est abadi. Amadi et abadi. Abadi, c'est il al-abad pour l'éternité. Qui c'est qui reste pour l'éternité en enfer ? C'est les kuffar et les mushrikin. Et les munafiqin qui sont... Et les polythéistes, les mécréants, et ceux qui sont morts avec une hypocrisie majeure. C'est-à-dire qu'ils montraient l'islam, mais qu'ils ne croyaient pas, au fond d'eux, ils étaient convaincus que non, ils n'y croient pas ou quoi que ce soit. S'ils meurent dans cet état-là, eh bien, ils sont dans le plus bas niveau de l'enfer. Comme Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Nisa, « Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfali min al-nar » Les hypocrites sont au plus bas niveau de l'enfer. Donc, ceux qui meurent dans cet état-là, ils sont en enfer pour l'éternité. Tandis que Tahrim Amadi, l'interdiction de paradis Amadi, c'est pour une modda, c'est pour un temps, c'est pour un certain temps qu'ils seront interdits de paradis. Voilà. S'ils sont morts en tant que musulmans monothéistes, qui ne s'en remettaient qu'à Allah, qu'ils adoraient qu'Allah Azza wa Jal. Ils meurent dans cet état-là, mais ils ont fait des péchés, et Allah Azza wa Jal, des péchés majeurs, et Allah Azza wa Jal, de par sa justice, il veut les juger de par sa justice en les envoyant en enfer, eh bien ils restent pendant une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait. Mais, comme ils sont morts en tant que musulmans, sur le tawhid, eh bien, ils auront le droit de rentrer au paradis après une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait. D'accord ? Donc, lorsque vous lisez ça, l'ayatul jannah qad tat, ne rentrera pas au paradis quelqu'un qui pratique la médisance, ça c'est dans le cas parce que le musulman, c'est un monothéiste, il ne s'en remet qu'à Allah, il n'adore qu'Allah, il ne lui associe rien du tout. Mais il tombe dans ses péchés-là majeurs. Eh bien, on dit qu'il est menacé d'une entrée en enfer. Parce qu'après, c'est entre lui et Allah, Azza wa Jal, s'il meurt. On ne dit pas « il va en enfer ». On dit « il est sous la menace d'entrer en enfer ». S'il ne se repent pas. D'accord ? Et si Allah, Azza wa Jal, il veut lui pardonner, il lui pardonne. Parce qu'il tombe sous la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Et si Allah, Azza wa Jal, il lui pardonnera de par sa miséricorde. Mais si Allah, Azza wa Jal, veut le châtier, il le châtiera de par sa justice. D'accord ? Mais il restera une période de temps que seul Allah, Azza wa Jal, sait. Donc, ça, c'est une autre faïda, inshallah. Le douzième point. Donc, le douzième point. وَلَا يُمْسِكْ ذَكَرُهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَسْتَنْجِي بِهَا. D'accord ? Une autre règle à respecter lorsqu'on fait ses besoins, c'est de ne pas tenir son sexe par la main droite lorsqu'il urine et de ne pas se laver avec les parties intimes avec la main droite. On n'utilise pas la main droite. D'accord ? عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. Le hadith est sahih aussi. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, donc il est rapporté par le Bukhari Muslim dans le sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Qatada radhiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne tienne pas son sexe avec sa main droite et qu'il ne lave pas, qu'il ne se lave pas, qu'il ne se nettoie pas avec la main droite. D'accord ? Parce que cette main-là, on l'utilise pour manger, on l'utilise pour donner le salam, d'accord ? Voilà, donc. Et l'autre main, on l'utilise pour le nettoyage et pour tenir ses organes et tout ça, d'accord ? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, ça, c'est à respecter. Inch'Allah. 13e point. ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها. والماء أفضل. والماء أفضل. Il est autorisé de se laver les parties intimes après avoir fait ses besoins avec de l'eau ou avec des pierres. Mais pour aujourd'hui, ce qui est semblable aux pierres aujourd'hui, c'est de se ternir avec le papier. D'accord ? Donc il est autorisé de se laver les parties intimes après avoir fait ses besoins avec de l'eau ou avec des pierres ou ce qui est semblable aux pierres et se laver avec de l'eau est meilleur. D'accord ? عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي يعني نحوي ça veut dire que de mon âge, d'accord. Ana wa ghulam nahwi idawatan min ma'in wa anaza fayastanji bil ma'. Donc là, il y a plusieurs points à expliquer, inchallah, cela. Il y a une divergence des savants concernant le fait qu'il est meilleur de rassembler les pierres et l'eau. À notre époque, c'est le papier et l'eau. D'accord ? Rassembler le papier et l'eau. Certains savants, comme l'imam l'Albani, rahimallah, dit que on ne doit pas utiliser les deux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé les deux. Il n'a jamais utilisé l'eau et les pierres. Comme là pour aujourd'hui, pour nous, ce sera l'eau et le papier. D'accord ? Et donc il dit que, eh bien, à nous de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Tandis que d'autres savants comme Cheikh Ibn Uthaymeen, Ibn Baz et d'autres, rahimahumullah, a dit que le principal c'est d'enlever l'impureté. Le principal c'est d'enlever l'impureté. D'accord ? Donc, et bien sûr, l'eau est toujours meilleure. D'accord ? Donc, la preuve est dans le hadith de Anas radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait, dans l'endroit où il faisait ses besoins. Moi et un enfant de mon âge, nous portions idawa, c'est un récipient en cuir en fait, d'accord ? Où est-ce que on peut le remplir d'eau, d'accord ? Ça, c'est ça l'idawa. Et anaza, c'est un bout de bois avec une pointe en fer au bout. Il lui ramène l'eau pour faire le lavage, d'accord ? Parce qu'après, à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il s'est nettoyé, il faisait ses ablutions, ensuite il priait 2 rak'at. Et donc ce bâton-là, il le plantait devant lui en tant que sotra, lorsqu'il est dans le désert. D'accord ? En tant que sotra. Une fois qu'il a... Naam ? Devant lui. Devant lui, oui. Devant lui, il le plante en tant que sotra, un bâton. C'est pour ça que les ulama ont mentionné, même lorsqu'on rentre dans la mosquée, d'accord ? Et on prie 2 rak'at, on se met dans un endroit où est-ce qu'il y a quelque chose devant nous. D'accord ? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en étant dans le désert, parce qu'il n'y a personne qui va passer devant lui, il mettait, plantait quand même un bâton devant lui. D'accord ? Donc c'est pour ça, soit tu mets une chaise devant toi, soit tu te mets devant les murs. Tu vois ? Mais il faut éviter de se mettre en plein milieu et puis prier sans avoir de sotra. Tu vois ? L'essentiel, une sotra, parce que quand même le bâton, faut qu'il ait une hauteur en fait. Il faut qu'il ait une certaine hauteur, la sotra. Ça ne peut pas être juste, par exemple, un pull mis au sol. Parce que dans les musulmans, enfin, en Afrique, surtout au Maroc, ouais, ils mettent un bout de bois là, un bout de bois devant la personne. Même dans la mosquée, on met un bout de bois, quand il passe quelqu'un, ça dirait que... Voilà, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, moi, je... Ouais. La séparation entre la personne qui vient de payer... Elle est rangée, par exemple, tout le monde est installé. Ouais. On arrive, donc là, on n'a pas besoin de mettre le fait qu'il y a du monde devant vous. Ah, la prière en groupe ? Je ne sais pas, la prière en groupe, par exemple, je viens le vendredi. Ouais. Donc que tout le monde est installé. Oui, bah, ta sotra, ce sera le frère qui est devant toi. Okay. Voilà, le frère qui est devant toi, oui, c'est ça. Donc, oui, tu peux faire ça aussi. D'accord ? Donc, alors, nous en étions sur le fait que... Donc ceci, donc l'anaza, c'est donc un bout de bois avec une pointe de fer au bout, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plante devant lui et la prenne comme sotra, comme obstacle. Car les savants disent qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se nettoyait, il faisait ses ablutions, puis allait faire 2 rak'at, en plantant ce bout de bois pour s'en servir en tant que sotra, lorsqu'il est dehors pour faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait avec de l'eau. Ceci, c'est dans le premier hadith. Il se lavait qu'avec de l'eau. D'accord ? C'est ce que prouve ce hadith-là. Le second hadith de Aïcha, an Aïcha radiallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, idha dhahaba ahadukum ila al-ghait, fal yadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, fal yastatib biha fa innaha tujzi anhu. D'accord ? C'est toujours dans le 13e point ici. Dans le second hadith de Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il prenne avec lui 3 pierres et qu'il s'essuie avec, elles lui suffiront. » Elles lui suffiront. Et donc, il y a un point ici que les ulama ont mentionné. Parce que lorsqu'on parlait de 3 pierres de nos jours, là, ce sera le papier, d'accord ? Donc il ne faut pas que ce soit, sous ce nombre-là, de 3. Et je pense que d'ailleurs, il y a un hadith qui va le... Voilà, ben c'est le hadith qui suit, justement, qui va expliquer sur ça. Donc le 14e point, « وَلَا يَجُوزَ الْإِقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَحْجَارِ » عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائت. J'avais traduit le hadith de Aïcha, oui. Je l'ai traduit le hadith de Aïcha. Oui, je l'ai traduit. Lorsque l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il prenne avec lui trois pierres et qu'il s'essuie avec, elles lui suffiront. Donc ça, c'est le hadith de Aïcha. Puis, le 14e point, donc le shir montre que ces trois pierres, mais faut pas, c'est minimum, il ne faut pas aller en dessous. D'accord ? Wala yajouz, ça veut dire qu'il n'est pas permis, il n'est pas autorisé. D'accord ? Il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres. Wala yajouz l'iqtisaru ala aqalla min thalathi ahjar. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رجيع ce sont les excréments d'animaux et عظم donc ce sont les os. Donc le 14e point, interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres. Les savants ont fait l'analogie entre les pierres et le papier, en disant qu'ils doivent s'essuyer au moins trois fois, lorsqu'on parle de papier. Au moins trois fois si la personne utilise le papier. Lorsqu'il se nettoie avec des pierres, au minimum trois pierres. Lorsqu'il se nettoie avec du papier, il doit minimum s'essuyer trois fois. D'accord ? La preuve est le hadith de Salman al-Farisi, qui a dit que il y avait un homme qui était venu le voir. D'accord ? Notamment, c'était un juif qui était venu le voir en lui disant que votre prophète vous a enseigné toutes choses, même ce que vous devez, comment vous devez vous comporter lorsque vous faites vos besoins. Il a dit oui. Il nous a interdit de nous diriger en direction de la Qibla. D'accord ? Lorsque l'on fait ses besoins. Ou d'uriner en direction de la Qibla lorsqu'on fait ses besoins. Ou de se nettoyer avec la main droite ou de se nettoyer avec moins de trois pierres, d'accord ? Il nous a interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres ou de se nettoyer avec des excréments d'animaux séchés ou bien avec des os. Et ces deux derniers points, les excréments d'animaux séchés et les os, pourquoi c'est interdit ? Il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il a rencontré un prêcheur parmi les djinns. Il a rencontré un prêcheur parmi les djinns. D'accord ? Il a dit un prêcheur parmi les djinns est venu à moi et je suis parti avec lui. D'accord ? Et il a récité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité sur les djinns le Coran. Le Coran. Ensuite, Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emmené ses compagnons pour leur montrer l'endroit où il était avec les djinns. Et il leur a montré les traces de ces djinns et les traces de feu qu'ils avaient allumées. D'accord ? Je termine le hadith, après on fera l'attention. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que les djinns lui ont demandé des provisions, de quoi se nourrir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, vous avez tout os qui provient, qui vient entre vos mains, dans lequel a été prononcé le nom d'Allah. Ça veut dire que tout animal qui a été sacrifié selon, en prononçant le nom d'Allah azzawajal, en disant Bismillah Allahu Akbar, d'accord ? Eh bien, s'il y a des os qui proviennent de cet animal-là, eh bien ça, c'est la nourriture des djinns. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sera une nourriture pour vous. D'accord ? Et cette os-là sera garnie de viande. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tout crottin sera un forage de la nourriture pour vos bétails, pour le bétail des djinns. D'accord ? Enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous lavez donc pas avec ces deux choses, car c'est la nourriture de vos frères, les djinns, qui sont musulmans. Parce que vous savez, dans les djinns, il y a des musulmans, il y a des kofars, il y a comme chez les êtres humains, d'accord ? La différence, c'est qu'ils font partie de l'invisible, d'accord ? Mais cette règle-là, ça ne concerne que les djinns. Donc c'est pour cela, c'est pour cette raison-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se nettoyer avec ces deux choses-là. D'accord ? Mais vous en souvenez, lorsqu'on avait vu les impuretés, la pureté, tout cela, on avait dit, mais ce hadith-là, il nie pas que ces choses-là sont pures. La règle, la base de toute chose, c'est qu'elle est pure jusqu'à preuve du contraire, d'accord ? Et on avait dit que les crottins d'animaux, les excréments d'animaux qui nous sont licites pour la consommation ne sont pas impurs. Ça veut dire que même si la personne elle est salie avec ce genre de truc-là, c'est pas impur. D'accord ? C'est pas impur. Le sang qui est à l'intérieur de l'animal après que l'animal a été sacrifié, ce sang-là n'est pas impur, il est pur. C'est-à-dire que même si la personne elle a ce genre de truc sur ses vêtements, elle peut prier avec. D'accord ? Donc le 15e point. ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. Donc il est donc dans le hadith rapporté par Jabir رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit que l'on se nettoie avec des os ou des crottins. ويستحب إذا استنجى يعني إذا استنجى أن ينتضح. Donc ça, c'est aussi un autre point qu'il ne faut pas oublier, Inch'Allah, dans le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, le 16e point, qu'il est préférable, d'accord, que lorsque l'individu urine, eh bien, d'arroser avec de l'eau. D'accord ? Et comme ça, la personne, elle est sûre qu'elle a purifié cela, elle n'a pas laissé des gouttes d'urine. وَهُوَ أَنْ يَأْخُذْ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ فينضح به مذاكره لينفي عنه الوساوس. Donc lui, en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il veut enlever les waswasa, vous savez, les insufflations, vous savez, du diable, parce que par exemple, ouais, mais peut-être que c'est pas pur, peut-être, attention, je pense qu'il y a, hein, il essaie de, et il y en a qui sont atteints de ce problème là ils croient qu'ils ont mal, Je crois qu'il y a de l'eau qui n'est pas arrivée là, ou je crois qu'il se met à faire 3, voilà, 4 fois, voilà, 5 fois l'eau d'eau. Subhanallah. Hein? Donc non. Il faut aller tout le temps sur la certitude. Je l'ai fait et on ne revient même pas en arrière. Ou bien même s'il pense, ah, est-ce que j'ai lâché un gaz ou pas, ou pendant. Il faut appliquer la règle comme on le verra, Inch'Allah, dans la salat, Inch'Allah. Ou est-ce que si tu entends un bruit ou tu sens une odeur. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on croit qu'on a, on a lâché un gaz, qu'est-ce que... C'est pas, ça doit être tout le temps une certitude. Soit tu as entendu un bruit, ou soit tu sens une odeur. S'il n'y a aucun des deux, donc tu continues ta salette. Il faut que tu restes avec certitude. Sauf si tu sais vraiment que ça y est, il y a un gaz qui a été lâché. Sinon, si tu es comme ça, tu vas avec la certitude. J'ai pas entendu de bruit, je ne sens pas d'odeur, tu continues ta salette. Donc là, ce qu'il y a, c'est le fait de prendre de l'eau et d'en verser sur son sexe pour s'assurer que il y a l'urine, elle est partie avec l'eau. L'eau, elle a enlevé l'urine, d'accord ? An Sufyan ibn al-Hakim al-Thaqafi qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha bala yatawadda'u wa yantadihu. Ça veut dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? S'il urinait, eh bien, il faisait ses ablutions. Déjà, avant de faire ses ablutions, qu'est-ce qu'il faisait ? Il nettoyait son sexe avec de l'eau, d'accord ? Pour s'assurer que l'eau, elle a fait évacuer l'urine. Et il fait ses ablutions. An Sa'id ben Jubayr, qui fait partie des savants des tabi'in. Anna rajulan ata ibn Abbas, radiyallahu anhuma, faqala inni ajidu balalan idha qumtu usalli. Donc il dit... Cet homme-là, il va aller voir Ibn Abbas, il dit que, il trouve que, il sent qu'il y a dû avoir de l'urine qui est sortie, tu vois, et peut-être une goutte, voilà, hein, lorsqu'il se levait pour venir prier. D'accord ? فقال Ibn Abbas, radiallahu anhu, أنضح بكأس من ماء وإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه. Vous voyez comment on éradique le doute. Il lui dit, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il lui dit, eh bien, prends un verre d'eau, d'accord, et verse-le, donc verse cette eau-là, donc sur ton sexe, ce qui est avec l'urine, là, et ça. Tu verses. Et comme ça, même si tu crois sentir quelque chose ou quoi que ce soit qui est sorti, tu te dis, eh bien ça vient de l'eau. D'accord ? Parce que, comme ça, tu ne vas pas rester à faire, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça qui est sorti ? Est-ce que c'est ça ? D'accord ? Parce que sinon, tu ne vas plus t'en sortir, là. Ça va être une maladie jusqu'à que tu vois. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان يجد من ذلك. Donc voilà, donc en appliquant ce que Ibn Abbas avait mentionné, comme ça tu enlèves toutes les insufflations, tu nettoies avec de l'eau pour t'assurer, d'accord, mais il faut s'assurer que lorsque l'individu urine, d'accord, il s'assure qu'il a nettoyé avec de l'eau. Une fois que tu as nettoyé avec de l'eau, eh bien ça y est, tu considères que ça y est, c'est propre, tu as nettoyé avec de l'eau, d'accord. Tu restes pas à repenser, imagine c'est ça, que je sais pas quoi, et ça, tu vois. Non, tu as nettoyé avec de l'eau et puis tu t'en tiens à là. Si tu sens quelque chose, quoi que ce soit, tu te dis, ça provient de l'eau. D'accord ? Comme ça, Inch'Allah, tu restes pas à te prendre la tête sur les insufflations. Donc, Alhamdoulilah, on a terminé donc, ce chapitre-là sur la façon de se comporter dans les toilettes. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer l'autre chapitre sur At-Tahara, At-Tahara tous les salettes. Donc, les ablutions lorsqu'on fait la prière. Donc on verra la description et tout ce qui implique pour avoir les ablutions correctes. Jazakum Allah khair, subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.